cagui donne nous. C'est même la pluie qui ca pleuré, qui ca béni, qui ca rousé. Ça qui voulait planter l'amour. Mais nous pas inventé rien, tout ça déjà là avant. L'automne tombe ou masse, carême pas loin rivé. Mais nous pas inventé rien, tout ça déjà là avant. Nous choisis mauvaise saison.